Ouais. Qui sert? Lams. Au cinéma, si du G2K. Donard. Ça sort du cœur. C'est sincère. Toi tu sais pas comme on a mal de ne pas savoir aimer. On a du mal à s'entendre car on a du mal à s'écouter. Moi mon âme est peinée par le dégoût d'une vie où le diable a l'air d'un ange où l'on ne vit pas mais qu'on survit. La mort est en sursis, on en a moins peur que de l'amour. Aimer, on se dit simplement qu'on n'est pas là pour. T'imagines pas tout ce qui m'atteint, tout ce qui me tue. T'imagines pas tout ce qui me pousse à faire du chétan, ma catin. Je me plains mais quand j'y pense, y'en a qu'on pas de toi, pas d'une, pas de sous, pas de mifa, donc pas la foi. C'est triste quand des raisons de vivre t'en as aucune. Triste, comme oublier qu'une mère on en a qu'une. J'ai rêvé d'un couloir au fond duquel se trouvait une porte. Et dessus y'avait écrit bonheur, alors moi j'y ai toqué. Mais un videur m'a dit bonhomme c'est pas soirée poissard. En plus on t'a jamais vu, vas-y retourne dans ton siécard. Depuis je sais que le monde se divise en deux. D'un côté les chanceux et les riches, de l'autre les poisseux. Lams, qui sert, ou CineMC. La haine, la peine se déchaîne. Mec à la peau pêche, mon vécu n'est pas blanc comme neige. Quand je repense à toutes ces erreurs, à l'intérieur c'est le Delport. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Peu de choses me réconfortent, comme Caillou au Banks. Le tout puissant pour se l'escorte. Ton système nous escroque. Et genre de penser de la sorte, l'amertume m'emporte. Je te jure que je m'en bats, de toute façon je m'en tape. Je veux pas mordre à la pas. Non, je peux pas me permettre, je me battrai jusqu'au décès. Bien que je sois accompagné, je me sens seul comme dans le désert. Quand j'énumère mes faiblesses, la tristesse me blesse. J'encaisse, j'aimerais que mes ennemis se cassent. Je veux tourner la page, tirer un trait sur plein de trucs. Je regarde tout droit de peur d'avoir mal à la nuque. La mélancolie me suit près, si seulement tu savais, je suis gavé. Malheureusement, le pire reste gravé. Trop de grammes, j'proclame la vie d'un mec calme avec ce qu'il faut dans le son calme. Au fond de moi, sale est mon âme. Trop de drames, mon cœur sonne l'alarme. Faut que j'dame, mon vent sort la lame. Ma persévérance rame, mon espérance me nuit comme la cam. Mon sommeil passe et nuit dans la cave. Amères sont mes larmes, les mots sont mes armes. La vie, j'la blâme, la crame depuis que je lui ai déclaré ma flamme. Mais trop près du jirikan, j'ai mal, mais autant que j'en ricane. Prisonnier de ma haine, j'délivre du haut de gamme. J'ai les neurones en panne, le mal du pays. J'suis tombé dans le panneau quand j'pensais qu'on tendrait la canne. Je vois rouge comme Rakam, je veux dans mon camp la balle, des soucis j'ai la palme, mentalité raccordée au napalm, mon cœur me bat pour une femme, seules mes couilles me sont fiables, comme enchanter des fables, tout dans ma tête c'est infâme.